la seule énergie placée dans le ciel pour s'en servir pour restaurer sa planète. Donc, placer des trésors dans le ciel est correct. C'est préférable encore que de les mettre dans la matière. Mais c'est encore plus intelligent du point de vue de l'individu s'il a la faculté de les conserver chez lui. Lorsque l'individu arrive à couper un peu court à cette manipulation qui le rend tout à fait instable et qui fait en sorte qu'il est continuellement en train d'exprimer dans son corps physique et au détriment du corps physique son émotivité, donc l'énergie qu'il reçoit, plutôt que de la conserver pour arriver à se transformer, lorsque l'individu arrive à mettre fin à cette perte d'énergie, il doit maintenant, de toute façon, lorsqu'il met fin à cette perte d'énergie, il va en arriver à une enflure de l'âme et à une enflure de l'ego qui va engendrer une espèce de chaleur interne qui, bon, je laisse passer un peu le phénomène, disons, subatomique de cette mécanicité qui engendre sous forme, à cause de la pression, une chaleur interne. Et cette chaleur engendre nécessairement l'augmentation du taux vibratoire des constituants de l'âme. On appelle aussi cela l'évolution. Et lentement, l'âme finit par découvrir des choses. Elle expérimente des mécanicités et elle a la faculté de moins colorer le contact avec son esprit, donc son intelligence, donc l'esprit saint, donc le phénomène supramental, ce qui permet à l'âme d'arriver à comprendre des choses que jamais elle n'a compris, d'arriver à accepter des choses qu'avant elle refusait carrément d'envisager la réalité ou la possibilité. Et lentement, par cette mécanicité, l'âme finit par s'auto-instruire, c'est-à-dire que le plan supramental, l'esprit, peut parvenir par le biais du mental à instruire l'âme, et l'âme, cessant de colorer, de tout transformer, de rejeter, finit par accepter ses instructions, ce qui lentement engendre dans l'âme la mémoire du neuf. La mémoire du neuf est exactement la mémoire que l'enfant à la naissance a, donc du point de vue des parallèles, l'âme de l'adulte est exactement l'âme de l'enfant, donc l'homme est un enfant. Maintenant, acceptant le neuf, il a la faculté d'entrevoir des choses nouvelles, et non pas seulement de voir le monde à travers les yeux qu'on a voulu lui léguer par l'éducation, la tradition, la morale, la société, etc. Et lentement, notre personnage, vu qu'il a maintenant accès à du neuf et qu'il accepte le neuf, il verra son âme se faire triturer, et c'est là l'éclatement de l'âme, que j'appelle aussi anégoïsation, c'est-à-dire qu'il y aura dissolution de l'ego. Lentement, l'individu finit par ne plus exprimer dans son corps physique toute son émotivité. Par contre, il va vibrer un sentiment plutôt qu'une émotion. Le sentiment nourrit le corps, repose le corps tandis que l'émotion l'épuise. Et lentement, à son insu, il n'a même pas besoin d'être conscient de cela. Par contre, lentement, il va devenir conscient. Il va avoir accès à quelque chose qui va ajuster pour son âme, donc pour sa pensée, pour sa conscience astrale, pour sa psychologie. Il va avoir accès à quelque chose qui va ajuster sa vision. Alors, il va cesser de découvrir en soubresaut violent des choses neuves. Il va donc avoir accès à un ajusteur de pensée. Et lentement, il va commencer son anégoïsation qui va être la mécanicité qui permet à l'âme d'accepter le neuf, de transformer les vieilles mémoires en énergie. Donc, lentement, l'humain finit par oublier des choses. Cela va finir par briser les vieux concepts, des concepts qui sont souvent bien même très inécologiques, sinon idiots. On brise les concepts. Brisant ces concepts-là, ça brise un peu l'ego. Ça permet à l'énergie de l'ego d'être transformée en énergie vitale. Je saute encore, c'est de la mécanicité, on va y revenir la semaine prochaine. Et lentement, étant donné que l'énergie dans l'âme devient une énergie qui est plus proche du plan moronciel, de l'énergie vitale, que la mémoire même de l'âme des humains conventionnels, elle commence à rayonner au niveau du corps physique. Rayonnant au niveau du corps physique, c'est l'engendre des symptômes que l'humain va connaître à un moment donné. Premièrement, celui d'avoir besoin de repos, équilibrer son énergie, lentement avoir moins besoin de repos, lentement avoir moins besoin de manger, lentement commencer à avoir moins de problèmes pathologiques, lentement commencer à être recherché par le voisinage, lentement commencer à faire en sorte que les gens se sentent bien autour de lui parce qu'il commence à rayonner, lentement les personnes vont même commencer à subir des guérisons à son contact, lentement il va contrôler cela pour ne pas se faire crucifier, lentement... Lentement, il finit par se prendre en main, devenir non manipulable, et il ressemblera à ce que j'appelle un homme nouveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Le reste de l'énergie vitale, qui maintenant est contrôlée, est rejetée, c'est-à-dire que l'âme, qui est maintenant de plus en plus contact avec le plan supramental, arrive à être tellement en plénitude plein que l'énergie qui ne sert plus maintenant à la gestion du corps physique pour permettre la vie et qui ne sert pas à la mémorisation de l'expérience par l'âme est rejetée dans le plan moronciel, et cela va créer un double exact de la personnalité de l'âme. Un double exact, finalement, de ce qui constitue l'âme dans l'homme. Et dans ce double écrit, dans le plan moronciel, c'est le double éthérique, Et si l'individu, à un moment donné, finit par perdre son corps physique, en allant dans le monde, dans le plan moronciel, en attendant que la lumière se fasse sentir, il aura reconnaissance de son double éthérique, il se dirigera vers lui, et il pourra se fusionner à lui du point de vue de l'âme. On appelle cela une âme pure. Si l'individu arrive à créer son double éthérique totalement pendant sa vie, le double éthérique, lentement, va se rapprocher de son âme, qui habite encore le corps physique, et il y aura une fusion entre le double éthérique et le corps physique de l'homme. Cela va engendrer l'éthérification du corps physique, et cela engendre l'immortalité du corps physique tant que la conscience de l'homme voudra le conserver. Et de ce point de vue, l'homme ne meurt plus, ne vieillit plus, et il peut même rajeunir son corps physique si le besoin s'en fait sentir. Pour les personnes qui m'entendent pour la première fois et que je dis rajeunir le corps physique, en tant que médecin, tu dois savoir qu'il n'y a rien de plus con que ça. Hein? C'est impossible de rajeunir un corps physique. L'élixir de jouvence. L'élixir de jouvence, oui, c'est ça. Il faudrait parler. Mais monte ton micro. Ou monte ta veste. C'est ça. C'est assez proche. Bon. Ah oui, c'est bien. Correct. Et je donne encore le petit exemple. D'ailleurs, Charles, tu vas être d'accord avec moi. Si on est capable de voir un enfant manger de la viande, manger des légumes, puis de prendre les aliments dans ces choses-là, puis les placer au niveau de son corps pour créer des doigts qui vont grandir, des pieds qui vont grandir, un corps physique qui grandit. Si on est capable, en tant qu'être humain, d'accepter ça sans se suicider, de voir une chose absolument impossible, des cellules qui se multiplient pas en créant un arbre ici, en faisant des boules partout, mais qui se multiplient selon un plan qui est extrêmement plat et qui engendre un corps physique, les yeux grossissent en même temps que le cerveau, que la boîte crânienne, tout le corps au complet, en mangeant des choses, je vais dire des détritus, parce que c'est souvent comme ça qu'on va dans la société, en s'alimentant, si on est capable de supporter la vision simplement d'une graine qu'on plante et il sort un arbre, sans virer fou, ça c'est impossible. Mais ça marche. Si ça marche, ben l'inverse marche aussi. Même, sauf qu'on ne l'a pas vu souvent, alors ayant expérimenté une impossibilité quotidiennement, on dit, ben c'est sûr. Puis n'ayant pas expérimenté l'autre impossibilité, ben on dit, voyons donc. À un moment donné, l'homme peut donc rajeunir son corps physique. Et il a maintenant donc choisi totalement sa mort. Il ne meurt pas physiquement s'il arrive à un point. Ou bien il meurt dans le plan moronciel, il rejoint son double éthérique et il se réincarnera totalement unitaire. Ou bien il meurt, il gagne le monde de la mort, il est dispersé parce qu'il a préparé des clés sur le plan planétaire. Il va lentement se voir retracer du point de vue de ses mémoires. Et on a encore une fois la grande possibilité de faire en sorte que l'être humain qui était là avant se réincarne avec quelques mémoires de d'autres choses, mais il arrivera à les supplanter, à les dominer et à les fusionner à lui. Évidemment, ce soir, je parlais tout à l'heure à une personne et j'ai donné énormément de matériel pour ceux qui ne m'entendent pas souvent ou qui n'ont pas fait mon séminaire. Personne qui venait pour la première fois, qui entend parler premièrement de l'idée de placer des choses à long terme pour que quand on se réincarne, qu'on retrouve ce qu'on avait laissé. Deuxièmement, je parle un peu de l'âme. Je dis que le monde de la mort, quelque chose qui est réellement mortuaire. On parle du plan moronciel, on parle de l'émotion par le système endocrinien, on parle de, bon, un paquet d'affaires qui finalement fait en sorte qu'une personne qui ne vient pas souvent a accès à énormément de nouveautés. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est enregistré sur cassette, justement, pour qu'on puisse réécouter. Puis je donne aussi d'autres conférences. La cassette est gratuite, de toute façon, si on est intéressé à poursuivre. Mais quand on a accès à énormément de neuf, ce n'est pas frustrant. L'individu qui dit, ben oui, mais là, c'est plate. Si je comprends bien, moi, je suis un paquet de monde à l'intérieur de moi. C'est vrai. À un moment donné, vous avez le goût d'y aller, puis vous ne savez pas si vous y allez. Et puis ça parle dans votre tête, là, ça s'astine. Puis là, vous voulez dormir. En même temps, vous avez le goût d'aller voir un film. Puis, ben, c'est ça. On est, tu sais, ça ne sert à rien de se leurrer. Ouais, ça ne sert absolument à rien. Alors, on est effectivement plusieurs. On doit arriver à fusionner ça. Quand on accède à beaucoup de neuf, eh bien, on prend son mal à patience, on digère un peu, puis ce qui nous fait frémir, eh bien, on l'oublie, puis on l'étudie. On y va pour les questions. J'ai l'impression que tu en as beaucoup à poser. Oui, si jamais tu veux répondre à ce paquet de questions-là, on va voir que tu arrêtes de parler. Mais si je parle pas, je ne pourrais pas répondre. Ça mène loin, la question du monde de la mort, parce que là, la première question nous amène en politique. Pourquoi Haïti et plusieurs autres pays héritent-ils toujours d'un gouvernement de bandits? Parce que ce sont des bandits qui habitent le pays. Oui, c'est un fait. Quand le peuple en voudra plus, il n'y en aura plus. Bon, présentement, toutes les personnes qui veulent y aller, c'est normal, on parle de bandits. De bandits de notre point de vue à nous. Mais moi, je vis dans un pays absolument sous-développé, où continuellement, je vois des tontons macoutes me taper dessus. Je vois des bois fouillés un peu partout. C'est des pirogues, mais des fois aussi des putains. Bon. Je me promène donc dans mon pays, en Haïti. Je dois continuellement me cacher. Pour vivre, je dois voler. De temps en temps, je vois ma mère qui mange des roches pour arriver à... Il y a plein de calcium dedans pour arriver aussi à ôter la faim. Je vois un paquet de choses dans le genre et quel genre d'individu je suis. Je suis celui qui ramasse ce qui traîne. C'est pas ça, voilà. Parce que ce qui traîne, ça traîne dehors de ta poche, je le pique. Ça traîne dans ta poche, je le pique. Et à un moment donné, ben, veut, veut pas, on a un pays qui ne peut pas. Il y a des êtres humains intelligents qui, comme en Haïti ou comme dans d'autres pays, qui vont dire faut que ça cesse. Et le peuple ne peut pas accepter comme ça un changement radical. Du jour au lendemain, on va voter sans se casser la gueule. Moi, j'ai rien contre, mais si j'haïs le voisin, il va aller voter pour l'autre, je le sais. Fait, attends-toi bien, est-ce que j'y cause une jambe? Alors, effectivement, c'est comme ça. Les peuples mettent toujours et permettent toujours des gouvernements qui sont représentatifs du peuple, il n'y a rien à faire. On a un gouvernement ici qui guérit, qui ne prévoit jamais. Mais on a une population qui ne prévoit pas. La preuve, on connaît les promesses politiques. On vote pour eux autres quand même. Puis après ça, ben, c'est pas de leur faute, ils ne pensaient pas que c'était le même, puis etc. On en revient toujours à la même chose. En somme, on peut dire qu'on a les autorités qu'on mérite. Bien, on a les autorités qu'on bâtit dans le pays puis qu'on place là. Déjà, Haïti a décidé de mettre Duvalier à la porte. Ils l'ont remplacé par un duvalieriste, pour très ésotériquement caché. Finalement, il y a des révolutions, des ci et des ça. L'armée se déguise en bandit, ils vont attaquer, puis les autres soldats, ben, ils sont quand même pas pour s'en mêler. Mais c'est pas de leur faute. Mais il y a une amélioration extrêmement évidente en Haïti, mais il faut quand même laisser au peuple le temps de voir purger ce qui déjà sert de matrice à sa conscience, qui est une matrice de ce genre. Vous allez faire un tour en Haïti pour voir de quelle façon les Haïtiens vous abordent. C'est un peuple absolument admirable, sauf que, puis d'ailleurs, ils sont admirables pour plusieurs raisons, parce que premièrement, ils sont en train de faire une évolution sociale qui normalement se fait sur quelques centaines d'années. Ils sont en train de la mijoter en 10 ou 15 ans. T'sais, l'humain peut dire, oui, mais là, le Duvalier est parti, puis ça n'a rien changé. Ça a tout changé. Pour la première fois, les Haïtiens ont réussi à mettre quelqu'un dehors. Ça l'a changé. Là, maintenant, on a un régime qui est militaire duvalieriste. Et puis, finalement, on arrive encore à gueuler. On fait des élections, ils vont se faire tuer, c'est sûr. On en refait encore, puis encore du monde qui vont aller voter, au risque de se faire tuer. Et puis, finalement, il y a le gouvernement à coup militaire, puis on s'amuse. Mais il y a effectivement une immense amélioration. En 10 ou 15 ans, ils vont avoir fait ce que des pays ont fait en 400 ou 500 ans. Mais lentement, ce qui sert de dégrégore à l'Haïti devra être purgé. Et ça, on n'en sortira pas. C'est comme le Nicaragua, c'est comme le Panama, c'est comme un paquet de pays de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud. Ils doivent vivre des cheminements, et Haïti va drôlement plus vite que les autres. Haïti, c'est des Haïtiens, hein, mais ils vont vite. Puis nous autres, on n'irait pas aussi vite. La preuve, avec le Québec, à vitesse qu'on fly, franchement. Pourquoi sommes-nous contents quand un 747 tombe? Parce qu'on n'est pas dedans. Aucune fille. Aucune figure connue meurt ou est mêlée à un scandale. Il y a de l'ego dans l'homme, et dans l'ego, il y a le phénomène de comparaison. Une figure connue, prenons l'exemple de Pierre Lacroix. Bon, comme ça, là. C'est l'exemple que je prends comme ça par hasard. Tout ce qu'il dit fait du sens pour énormément d'humains. Il y a un paquet de personnes qui ont lâché la drogue, il y en a qui ont cessé qui voulaient se suicider, qui sont restés en vie, il y en a qui ont cessé de faire des conneries. Moi, je n'ai pas besoin de religion. Tous ceux qui en ont besoin et qui n'avaient pas la faculté de comprendre ce qu'ils vivaient et qui l'ont compris par Pierre Lacroix, donc tout ce qu'il a dit était génial. Ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Ce n'est pas parce que la radio est laide que les nouvelles qu'il y a dedans ne sont pas bonnes. Bon. Par contre, il y a énormément d'humains, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça qu'ils font. Il y a une personne qui parle, qui arrive à accumuler peut-être un prestige public, une autorité, une accréditation, qui dit des belles choses, puis qui semble vivre au-delà de ce qu'on peut vivre. Alors, à un moment donné, il y a une jalousie admirative qui s'installe. Et puis, si la personne, on peut lui mettre un scandale sur le dos, qu'elle le mérite ou qu'elle ne le mérite pas, eh bien, on est tous contents de se dire, « Tu vois, hein, je suis quand même pas si pire que ça. Tu vois, le gars qui disait ça, ben, regarde ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais chez vous? » Pierre Lacroix serait prêt à se masturber, ça serait un scandale. Toutes les autres, ben les autres, ils sont pas publics, c'est pas pareil, ils ont le droit. Il y a une personne à la radio qui disait, ah, quand on veut être public, il faut être parfait. Franchement, ils sont publics, eux autres aussi. Mais on les connaît pas. Bon, alors, pourquoi sommes-nous contents quand un 747 tombe? C'est parce que, premièrement, ça permet à notre ego de sécréter hormonalement les choses. Alors, ça nous permet de vivre la mort sans risque. C'est comme aller à la ronde. On vit la mort sans risque. Qu'une figure connue meurt, ça nous permet encore une fois de sécréter, on en parle, ça nous occupe, ça nous stimule au niveau de la vie, on s'ennuie moins. Puis, où est mêlé un scandale, ben c'est la même affaire. Qu'on aille les télé-évangélistes américains, qu'une personne fasse des millions, ça change quoi? Vends des hamburgers, fait des millions, ou vends ta parole, fait des millions, ça change quoi? Les hamburgers, tu nourris les gens, tu permets à une économie de fonctionner. Prenons l'exemple de McDonald's, qui a permis à énormément d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires qui n'avaient jamais le temps de manger parce qu'ils n'avaient pas le temps, de manger vite et de continuer à faire des affaires, ce qui a monté l'économie américaine et canadienne. Il fait de l'argent. On va dire, oui, mais il vend les hamburgers. L'autre est un évangéliste, lui, il vient à sa télévision, il ramasse des dons, il fait de l'argent, et puis il aide des gens. Après, ça change quoi? Puis on s'attend. Si le président de McDonald's ferait attends-toi à la pudeur, parce que c'est un gars qui dit faites le bien, puis que lui, il ne peut pas le faire, ou peut-être on pense qu'il ne peut pas le faire, eh bien, c'est comme si sa parole était fausse. Le gars, le médecin, peut être totalement malade, puis dire fume plus! Prends croisant à l'expérience. Même s'il fume, il a raison. Ça ne change rien. Il a toujours été plus facile, je pense, à l'homme de voir la paille dans l'œil du voisin que pas voir la poudre dans la sienne. C'est ça. Évolue après moi, évoluer. Mais voyons donc, si ce que tu dis est vrai, qu'est-ce que tu fais? Je m'en balance. Tu me dis une chose qui est vraie, tu ne le fais pas pantoute, ça change quoi? Tu as une parole. On a des Olympiques. Pensez-vous que les entraîneurs peuvent boxer mieux que les boxeurs, courir plus vite que les coureurs? L'entraîneur, il te dit qu'est-ce que tu fais de pas correct. Il dit pas, fais-le dedans, toi! Il peut pas aller! S'il pourrait, il serait pas entraîneur, il serait l'athlète. Il est entraîneur, il est pas l'athlète. Alors, il va vous dire qu'est-ce qui est pas correct. Demandez-y pas de le faire. Il peut voir ce que vous voyez pas. Alors, on l'écoute. L'être humain croit-il que le monde extérieur est une extension de lui-même et que tout ce qui existe devra lui obéir comme sa propre main lui obéir? Ben, l'être humain, croit-il, pas l'être humain en général du point de vue de la race humaine, parce qu'il y a beaucoup de personnes au niveau de l'humanité qui n'ont aucune conscience même de ce que c'est que l'extérieur. Par contre, il y a énormément d'êtres humains qui sont convaincus qu'effectivement l'extérieur devra lui obéir comme si c'était sa propre main. Mais la main n'obéit déjà pas à la conscience astrale de l'homme. La preuve, vous n'êtes même pas capable de vous gratter quelque part dans le dos. Mais n'empêche, on pourrait élaborer beaucoup plus. Sauf qu'à un moment donné, lorsque l'intelligence sera dans l'homme, le corps physique de l'homme est un véhicule qui doit accepter de l'esprit, de l'intelligence. C'est l'intelligence qui, par l'expression du corps physique, devra contrôler. Quand on parle de l'homme, de l'humain, on parle de l'âme, on parle de l'astral dans l'homme. Ça, effectivement, ça croit pouvoir contrôler, ça ne contrôlera rien. Quand moi je dis qu'à un moment donné, l'homme devra être son seul maître, je ne parle pas de l'astral, je ne parle pas de la psychologie, je ne parle pas de l'âme dans l'homme. Ça ne sera jamais le maître. Ça le croira. Ça ne sera jamais le maître, ça ne peut pas être le maître. On a juste à écracher en plein visage, puis c'est plus le maître. Alors, ça sert à rien. Pour qu'il ne réagisse pas, il faut qu'il n'ait pas d'ego. S'il n'a pas d'ego sans mental, c'est une espèce de zombie. S'il n'a pas d'ego et un mental, c'est un maître. Crachez-le une deuxième fois, il ne réagira pas. Crachez-le une troisième fois, vous allez le manquer. Courez-lui après, il va se sauver. C'est un maître. Rattrapez-le, il va vous planter. C'est un maître. Parce qu'il n'est pas imbécile. Mais il ne sécrétera pas, il va vous aimer en même temps qu'il va vous aplatir la tête. C'est vrai, c'est logique. Il s'aime lui aussi. Selon ta connaissance instantanée pour mon mieux-être, conseillez-vous d'aller voir le sommet ésotérique au Vélodrome cette fin de semaine? Ben oui, je fais une conférence. Croyez-vous qu'il y a quelque chose à apprendre à cet endroit? Est-ce un endroit pour s'instruire? Disons qu'il n'y a absolument rien pour vous instruire. Vous rentrez là et vous dites « Ah, merde! » Ben vous avez bien fait d'y aller. Vous avez de quoi apprendre sur vous. Je ne conseille rien. Si vous y êtes, c'est que vous avez quelque chose à faire là. Peut-être que vous ne le verrez pas, mais il y a quelque chose à faire. Si vous n'y êtes pas, vous n'avez rien à faire là. C'est très simple. Ça ne sert à rien de vous conseiller d'y aller ou de ne pas y aller. Ça dépend de quels seront les yeux qu'ils vont voir. Et je ne prends jamais de décision pour personne. Alors, vous faites ce que vous faites comme d'habitude. Vous y allez en sachant ce que vous faites. Vous y allez en sachant pas ce que vous faites. Vous n'y allez pas. Vous y allez. Vous ferez ce que vous ferez. Je n'ai pas compris au sujet des gens qui ne peuvent avoir d'enfants. Toutefois, j'ai un neveu. Si lui n'a pas d'enfant, que la lignée arrête, qu'arrivera-t-il? Bon, premièrement, la personne qui n'a pas d'enfant et qui travaille au contact d'enfants, de toute façon, l'enfant n'est pas nécessairement... La génétique vibratoire a plus d'importance que la génétique physique, quoique celle-ci en a aussi. Celui qui adopte un enfant et qui l'éduque, ou celui qui éduque ou qui travaille avec son neveu, sa nièce, celui qui a une vibration avec un enfant, celui qui a une correspondance, celui qui s'entend avec, même si c'est l'enfant du voisin, de toute façon, il y a des fortes possibilités. Il faut bien comprendre que les membres d'une même famille ne naissent pas toujours sous le même toit. Je parle de famille vibratoire, évidemment. Alors, il n'y a donc pas de problème. Et en parlant, si le neveu n'a pas d'enfant, ça serait assez étonnant qu'au niveau de la province de Québec, ou encore des ancêtres, que la lignée familiale s'arrête au neveu et à l'individu. Il y a de toute façon suffisamment de branchements qui fait en sorte qu'on est relié, qu'on ne connaît même plus ceux qui font partie de la même famille que nous. Il n'y a vraiment aucun problème. Les lignées familiales ne disparaissent jamais. Ils se mélangent, ils se prolongent, ils ne disparaissent pas. Il m'arrive de sentir ma présence, d'où le feeling de la probabilité d'immortalité. Pourtant, j'ai parfois le goût de mettre un enfant au monde. Non pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Quelle est cette manipulation? Ne serait-ce que mon imagination y a-t-il une réalité que j'ignore derrière ce feeling? Il y a une réalité qu'elle ignore, simplement, c'est qu'elle interprète très mal la perception qu'elle a. Premièrement, il y a des dédoublements qui se font au niveau du corps vital, c'est-à-dire que dans certains cas, parce que l'individu a une alimentation mal assimilée ou carrément mal équilibrée, cela peut faire en sorte que dans certains déplacements ou dans l'arrêt du corps physique, que le corps vital ait une tendance à continuer à se déphaser, ce qui donne l'impression à l'individu qu'elle se perçoit ou elle est déphasée. Alors, on pourrait mettre plusieurs mots pour arriver à l'expliquer. L'individu peut aussi faire un voyage plus ou moins astral, c'est-à-dire une extra-conscientisation de son âme, même réveillé, ce qui lui donne encore l'impression de bilocation assez bizarre, et elle décode, elle interprète d'une façon fautive, elle pense que possiblement elle meurt ou elle va mourir ou quelque chose comme ça. C'est simplement son interprétation qui est fautive, par contre sa perception elle est correcte, puis c'est même bien qu'elle la développe, qu'elle cesse d'en avoir peur. Quand elle dit d'avoir un enfant, ça regarde simplement sa condition psychologique et son milieu dans lequel elle vit, mais elle doit cesser d'interpréter son feeling comme une sensation de mortalité. L'incinération doit-elle être différée de 40 jours après la mort physique? Non, l'incinération peut se faire dans l'actuel corps physique, disons, de la partie nord planétaire. L'incinération peut se faire dans la minute qui suit un décès. Et d'ailleurs, plus l'incinération est proche, plus les parties basses de l'âme qui n'ont pas encore quitté le corps physique vont être détruites, ce qui donne un coup de pouce évolutif à l'individu. Ça ne veut pas dire de s'immoler par le feu, mais n'empêche que l'incinération, 40 jours, non. Dans certains cas, parce qu'à un moment donné, il y a un personnage qui a fait congeler son corps une quarantaine de jours, dans le but d'avoir le temps de se lier amicalement avec la structure neuronique d'une personne proche, que je n'aimerais pas le nom, et de la posséder finalement, temporairement, jusqu'à temps qu'un corps physique puisse le récupérer, eh bien, il a conservé son corps congelé, donc disons momifié, en ce sens que tant que le corps physique n'a pas la faculté de se désintégrer, le corps vital reste proche et l'âme ne peut donc pas gagner le monde de la mort. Mais c'est une exception, l'individu avait préparé sa mort et de cette façon-là, il pouvait donc contrôler certaines choses. Mais ce n'est pas nécessaire que tout le monde le fasse. Que signifie qu'un individu puisse vivre le choc d'être totalement coupé de son astral sans être en contact avec son ajusteur, comme je l'ai vécu? La personne, elle était en contact avec un phénomène réincarnationnel, un être contrôle, qui l'a stimulé d'une façon neuve. Et c'est juste ce qui est arrivé. Qu'est-ce que ça signifie? Rien. Ça signifie simplement que la personne, elle était en contact avec un être contrôle. On a peut-être étudié l'individu pour savoir si elle était suicidaire. Et on a peut-être étudié l'individu pour savoir si elle ne serait pas apte à prêter son corps à une autre conscience, à un marcheur intérieur, un walk-in. Et sans doute, l'individu n'était pas apte. Si les réincarnations sont pluralitaires pour la plupart des gens. Oui, peut-être ça. Comment se passe-t-il qu'il y ait un nombre croissant de populations? D'où viennent les âmes et où étaient-elles? On doit comprendre que le monde de la mort se crée et s'énergise en fonction de l'expérience engendrée par l'humain. Plus il y a d'expérience engendrée par l'humain, plus il y a de mémoire dans le monde de la mort. Étant donné que les âmes sont la réincarnation de ces mémoires, plus il y a d'expérience dans le monde de la mort, plus il y a la capacité, plus le monde de la mort a la capacité de donner d'âme à des humains. Donc, c'est tout à fait normal qu'à travers les millions d'années que nous avons vécu ici en tant qu'êtres humains sur une planète qui existe depuis plus de 4 milliards d'années, on ait suffisamment donné d'expérience au monde de la mort pour pouvoir permettre, premièrement, d'engendrer des réincarnations plus puissantes. On a accès à plus de mémoire. Et deuxièmement, pour pouvoir permettre à de plus en plus de corps physiques d'avoir accès à des mémoires, donc à des âmes. Alors, voilà d'où viennent les âmes. Et les âmes, où elles sont, c'est un immense âme planétaire. Puis, de temps en temps, il y a un peu de substance qui descend, localisée dans un corps physique. Le canal porte votre nom, votre prénom. C'est pourquoi, sur votre acte de baptême, on met un prénom. Et toujours un prénom relié à la religion auquel vous êtes attaché à la naissance. Par exemple, la majorité des hommes du contexte catholique ont sur leur baptême le nom Joseph, premièrement. Donc, ça les relie à l'égrégore masculin du phénomène catholique. Deuxièmement, ils auront des noms de prophètes ou des noms de personnes clés. Daniel, Michel, etc., Pierre, Jean, Simon, Paul. Et les femmes, c'est la même chose. On commence par l'acte Marie, de façon à être sûr que même si la mère, elle les appelle Gugus, que minimum Marie connecte l'individu à cet égrégore-là, ce qui fait que lorsqu'il nourrit le monde de la mort, il nourrit la partie égrégorienne de son ciel, en l'occurrence, dans le cas de l'Église catholique romaine, donc elle nourrit l'égrégore qui porte le nom de mon Dieu. Si on change de religion, on se fait rebaptiser. Ça va de soi, il n'y a pas un égrégore divin qui va dire à ses fidèles de prendre quelqu'un et qui va permettre au nouveau disciple de nourrir encore l'autre Dieu. Alors, on le rebaptise d'un nom clé de ce Dieu-là. Alors, nécessairement, on lui donne un nouveau nom. Croyez-vous que l'on aura un événement majeur comme guerre totale d'ici 10 ans? Merci. De rien. La croyance, c'est une chose intéressante. Mais je ne suis pas encore parvenu à croire. 10 ans, on est en 88, 98. Chose qui est certaine, c'est que l'avenir est toujours en mouvement. Il y a énormément de futurs possibles. Il y a toujours des choix d'humanité qui peuvent changer les choses. Tout est accompli, on va se rendre là où on doit aller, en Lada ou en Rolls-Royce. On a le choix de la manière de voyager, mais on va arriver à la même place, c'est sûr. Sauf qu'on peut choisir. Guerre totale. Ça, ça ne me regarde pas. Ça regarde ceux qui auront à se battre. Daniel, est-ce que tu crois que l'on peut s'entourer, se protéger d'une bulle d'amour, de sagesse, de lumière dans la vie? Je ne crois pas qu'on puisse le faire et je sais que ça ne sert à rien de le faire. Par contre, ça peut permettre à la psychologie de s'autoriser à être un peu plus puissante parce qu'elle se sent plus sécure avec son illusion. Donc, il peut y avoir une utilité à le faire tant que notre ego se sent plus sécure de le faire. Et cela veut dire que le mental d'un individu peut comprendre l'idée que ça ne sert à rien. Et en même temps, il peut se dire « Oui, mais quand je le fais, je me sens mieux. » Mon ego se sent sécure lorsque je lui donne l'illusion d'être protégé. Et lorsqu'il se sent sécure, il me permet de foncer. Alors, je me crée une sphère de protection. Qu'elle existe ou non, mon ego y croit et il me libère et je fonce. Mais ça n'a pas de fonctionnalité réelle. L'individu qui est libre dans sa conscience, de toute façon, se protège lui-même. Alors, il n'a pas besoin, astralement, d'imaginer la sphère. Un prêtre théologien mentionne dans le dernier Paris Match que l'on a des enregistrements des esprits qui sont dans le bas-plan morentiel et que la communication se fait. Pourras-tu élaborer? Merci. Bon, premièrement, au niveau des forces moroncielles, c'est ce qu'on fait référence aux fantômes, et premièrement, au niveau des bas-fonds de l'astral, donc du monde de la mort, il peut y avoir, à un moment donné, possibilité d'accès à des mémoires qui ne sont pas encore tout à fait digérées par le ciel, de pouvoir, par l'intermédiaire d'un médium, normalement entre autres, puiser de l'énergie vitale, donc de la vie, à même un individu, et s'en servir pour créer un ectoplasme, c'est-à-dire une densification de la mémoire de l'image astrale. Maintenant, il y a possibilité aussi, si on a des appareils suffisamment sensibles, de prendre des photos, et aussi d'enregistrer ce qu'ils vont dire. Alors, il n'y a aucun problème à ce que ça se fasse. D'ailleurs, ça fait longtemps que ça devrait se faire. La science n'y croyant pas, tout à fait. On pense toujours qu'il y a des piégeages et des trucs. Alors, il se passe simplement ça, c'est qu'il y a des mémoires du monde de la mort. Une mémoire dans le monde de la mort ne peut pas vivre d'émotions, ne peut pas se nourrir, si l'humain ne crée pas d'émotions sur le plan planétaire. Et c'est pourquoi, bien souvent, ceux qui sont morts ont un intérêt à entrer en contact avec un corps vivant, dans le but, premièrement, de le manipuler, deuxièmement, dans le but de regoûter au phénomène émotif, donc se renourrir et se réénergiser. Et c'est pourquoi on peut encore avoir accès au monde de la mort par des médiums ou encore même par des appareils. J'aimerais savoir pourquoi je n'ai jamais eu l'impression de naître. se nourrir et se réénergiser. Et c'est pourquoi on peut encore avoir accès au monde de la mort par des médiums ou encore même par des appareils. J'aimerais savoir pourquoi je n'ai jamais eu l'impression de naître. Des fois, sont dangereuses, mais quand même, il y a une. Dans le cas de ce corps physique, il y a une grande partie de mémoire qui se sont réincarnées et qui ont déjà fait. Qui ont déjà travaillé en. On peut vérifier quand même. Il y a des choses, des fois, qui sont dangereuses, mais quand même, il y a une. Dans le cas de ce corps physique, il y a une grande partie de mémoire qui se sont réincarnées et qui ont déjà fait. Qui ont déjà travaillé ensemble dans un autre corps. Et l'individu peut avoir, à partir de là, une conscience du fait qu'elle n'est jamais morte, donc qu'elle n'est jamais venue au monde. Par contre, si elle fouille convenablement, elle peut retrouver des traces de naissance parce qu'elle a été fusionnée à des individus, à des mémoires qu'elle ne connaissait pas. Maintenant, l'ego qui est venu au monde, l'ego qui s'est réincarné, créant l'idée du manque de naissance, est un ego assez puissant qui peut engendrer certains problèmes du point de vue de la paix intérieure de l'individu, on pourrait dire de l'évolution. Donc, la personne n'a pas, disons, je dis bien, elle n'a pas à s'enflatter, elle ne s'enflatte pas nécessairement. Elle a ce léger avantage, puis elle doit quand même fusionner les mémoires qui sont réincarnées avec elle, et ça se réincarne 24 heures sur 24. C'est pourquoi, de temps en temps, on est heureux, puis subitement, paf, on se retrouve plus, on se comprend plus, puis on vient de digérer quelque chose de neuf. Alors, elle doit quand même aussi faire affaire avec ce genre de réincarnation. Quelqu'un a voulu me tuer, j'ai le goût de le tuer, mais je vise la paix. Il veut recommencer à me tuer. Y a-t-il un moyen de me défaire de sa vibration ou intention? Si oui, lequel? Pas la police. En tout cas, s'il vise la paix, j'espère que l'individu ne viendra jamais en paix. Il va se faire tirer. Bon, j'ai le goût de le tuer. Ça va de soi. C'est une manipulation qui provient justement des sources du monde de la mort, qui permet des individus de sécréter. Il y a une expérience dans l'ego de cet individu qui maintenant a enregistré le phénomène de la tuerie. Et cette expérience a la faculté d'être vomie de temps en temps à la conscience, ce qui manipule la personne. Par contre, une grande partie de la constitution de son ego est une partie plus évoluée, plus vibrante, qui, elle, refuse la violence. Donc, il y a une guerre déjà dans l'individu. On est pluralitaire du point de vue de l'ego. Et y a-t-il le moyen de me défaire de ces vibrations ou intentions? Bien, effectivement, il y a des moyens de s'en défaire. Maintenant, ce n'est pas facile. Pourquoi? Bien, il y a des moyens qui seraient la colère mentale, mais l'individu, il faut quand même qu'il en connaisse la mécanique. Il y a d'autres moyens qui sont des moyens de programmation. Donc, on instruit notre ego du fait que jamais on ne va le faire. On instruit notre ego aussi du fait que c'est stupide. Et on doit donc prendre patience pour s'instruire jusqu'à un moment donné où, de toute façon, l'idée va être carrément partie. C'est ce qu'on doit faire. L'être humain étant manipulable, une chose certaine, c'est que chaque fois qu'il aura le goût de tuer, il ne devra pas porter attention à ce goût. Puis il devra simplement commencer à obliger sa pensée, s'il n'a pas le contrôle, parce que l'humain n'a pas le contrôle de sa pensée comme il veut, la pensée ne lui appartenant pas. Il devra quand même essayer d'arriver à juxtaposer, à superposer une pensée sur l'idée de tuer, qui va être celle d'une chanson. Par exemple, à l'instant où ça vient, il commence à mijoter de musique. Une chanson. Et cela peut le finir lentement par colorer tellement l'idée même de tuer qu'à un moment donné, il ne sera pas là, c'est la chanson qui va apparaître. Il chantera pas. Les forces négatives peuvent-ils tenter quelqu'un ou le dérouter vers le mal parce qu'ils sont conscients que cette aide peut faire beaucoup de bien? Premièrement, il est évident que lorsqu'un individu veut s'assujettir à faire du bien, c'est-à-dire qu'un individu peut, exemple, se missionner ou simplement avoir la faculté ou l'idée de vouloir aider, les forces d'évolution ne sont pas tout à fait pour le fait que l'humain aide l'humain, les forces d'évolution. Et nécessairement, les forces d'involution ne sont pas pour non plus. Pourquoi les forces d'évolution ne sont pas trop pour que l'humain aide l'humain ou fasse trop de bien? Pour la simple raison que la majorité des gens ont une condition de vie particulière parce qu'ils ont à apprendre dans cette condition-là. Et quand un autre veut faire le bien, qui vient tout éliminer la condition au complet en voulant faire le bien, il nuit énormément à l'évolution d'un individu. Donc, les forces intelligentes peuvent empêcher un individu de faire ce qu'il appelle le bien, parce qu'il veut trop s'occuper de la vie d'autrui, et les forces d'évolution peuvent aussi le récupérer de façon à le manipuler. Mais normalement, ce sont les forces d'évolution qui vont tempérer le missionnariat ou la possibilité qu'a l'individu de faire du bien. J'ai connu une personne, moi, qui travaille, qui fait des affaires. À un moment donné, elle vient me voir, elle dit, là, j'ai un gros contrat pour le Belize, près du Guatemala, au sud du Mexique, au niveau de l'agriculture. Et puis là, si je fais ça, ben on va faire un musée dans la place là-bas. Je n'ai parlé au président du Belize. C'est une personne qui donne trop vite. Alors, je lui ai dit, en tout cas, ton contrat, moi, ta plage d'oublier, tu ne l'auras pas. Chaque fois qu'il veut donner, il perd. Il ne l'a pas eu non plus, même si c'était, tout était correct, ça l'a tombé. Il ferait trop de mal. Si nous sommes ici, peut-on être des gens choisis pour évoluer et comprendre l'intelligence? Est-ce que c'est des signes de la vie d'être ici? Ce n'est pas... Les êtres humains qui sont ici n'ont pas été choisis. Simplement que leur chemin passe. C'est pas question d'être choisi. Simplement que ce n'est pas de votre faute, mais vous avez accès à comprendre ou à vibrer de façon différente de d'autres. Je ne dis pas que c'est supérieur, je dis que c'est différent. Mais il n'est pas question de choisir. Il n'y a jamais eu d'élection, jamais de choix. Par contre, l'individu qui fait un cheminement, bien nécessairement, les portes qui sont devant lui s'ouvrent pour lui. C'est simple. Et l'autre fait un autre cheminement, les portes s'ouvrent pour lui. Il n'est pas question de choix. Madame Blavatsky a eu pour maître spirituel le Tibétain Kutumi Laising. On peut dire que le maître tibétain a eu comme maître Madame Blavatsky, qui d'ailleurs lui a forcé, lui a fait dire tout ce qu'elle voulait qu'il dise. La suite de la question, est-ce que ce dernier aurait pu être la réincarnation du poète et philosophe vietnamien Ke Nien Kut Dun? Je ne sais pas qui prononce ça. Vietnamien. C'est une Nguyen en passant. Un nom très vietnamien d'ailleurs. Non. Et à un moment donné, on pourra s'amuser à parler un peu de ces maîtres. J'ai déjà fait une conférence sur les grands maîtres du monde ou les grands maîtres ou quelque chose dans le genre. Mais Mme Blavatsky, qui était une très, très grande mystique, n'est-ce pas, qui a réussi à mettre dans la matière un paquet de choses à travers tout son charlatanisme qu'elle a exprimé, a fait dire à plusieurs maîtres bien des choses. Et Kutumi n'est pas ce que Mme Blavatsky ou d'autres personnes. Je sais que c'est extrêmement frustrant de temps en temps parce qu'on vient d'acheter toute la collection des livres de Blavatsky ou d'Alice Bailey, puis là, on se fait dire en conférence que c'est peut-être pas nécessairement les maîtres qu'on pense. C'est frustrant un peu. La Lune est-elle une banane? Si oui, est-elle l'épluchure? Y a-t-il de la bière dans les cieux? Si oui, quelle marque? Brigitte. Non, j'ai déjà dit qu'il y avait un garage pour la mécanique et que les mécaniciens qui tripaient sur le différentiel avaient le droit d'être là-bas. Et puis, le royaume des cieux, c'était pour les mécaniciens aussi. Alors, la Lune est une banane, si oui, ou elle est plus sûre, dans la conscience de celui qui pose la question, et elle enveloppe sa conscience. L'homme nouveau ira-t-il aux toilettes? À quoi servent les lunettes? C'est un papier jaune, hein, que t'as là, là? Quoi faire avec l'homme ancien? L'homme nouveau n'ira aux toilettes, qu'est-ce que lorsque ça va y tenter, qu'il en aura envie, et il pourra s'amuser de voir l'homme ancien quand il rentre aux toilettes, avant de rentrer en temps. Quand il rentre, il n'entend plus rien. Puis quand il sort, ça recommence. Parce que l'homme ancien, il sortit un bon angle. Qu'advient-il si à la mort du corps, on est suffisamment instruit pour savoir qu'on ne va pas suivre les êtres de lumière du monde de la mort, mais qu'on n'a pas de double éthérique suffisamment constitué? Si on n'a pas de double suffisamment constitué, tout ce qui fait partie de notre âme, qui est en affinité avec ce qui est suffisamment constitué, va là. Et normalement, c'est le plus important qui commence déjà à se recréer dans le plan moronciel. Donc, en partant, c'est correct. Depuis un an, je travaille avec un gars qui est très agressif. Il n'a pas de patience. Il crie pour rien. C'est stressant. J'essaie de l'endurer. Je me dis, ça doit être bon pour mon ego. Parfois, je me demande si j'agis correctement. Comment dois-je me comporter avec lui? Encore une fois, je n'expliquerai pas à un individu comment doit se comporter au niveau de sa vie. Chose certaine, c'est que la personne qui apprend, si elle se dit que c'est bon pour son ego, déjà en partant, l'ego s'orgueillit d'être avec la personne, c'est quand même une lacune. La personne, elle doit simplement apprendre à ne pas... sans faire, elle doit simplement laisser passer les énergies qui ne sont pas à elle, au travers d'elle. Elle doit faire ce qu'elle fait, elle doit faire ce qu'elle fera, elle doit faire ce qu'elle a à faire. Je n'ai vraiment pas à m'en mêler. Si on assiste quelqu'un qui est en train de mourir, et si on lui touche, si on lui tient la main, est-ce que l'on nuit à son départ? Si on lui touche, si on lui tient la main, on ne nuit pas à son départ, on aide son départ si l'individu est quand même dans une phase de conscientisation spirituelle, donc une personne qui peut quand même vivre de l'émotion. On doit évidemment l'accompagner dans sa mort, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte de ne rien traumatiser, de simplement la laisser aller. Et l'individu qui va mourir le sait, ça ne sert à rien de lui dire qu'elle ne meurra pas. Et à l'instant même où on croit qu'elle est, disons, théoriquement morte, eh bien, on laisse sa main. On ne la laisse pas tomber, parce que l'âme peut être encore un peu dedans et vivre un peu de le stress du corps physique. Et une fois que c'est fait, on doit la respecter, c'est-à-dire qu'on doit tout faire pour ne pas pleurer, pour ne pas rire non plus. Et on doit simplement s'en aller d'une façon délicate, c'est-à-dire d'une façon intelligente. Alors, on ne fait pas de bruit, on fait juste simplement la laisser. Et là, elle va faire son cheminement, comblablement, sans être massacrée par les humains sur le plan planétaire qui font tout pour la retenir, qui vont peut-être pleurer, qui vont peut-être vouloir en parler, et qui vont se vendre de dire que dans notre mémoire, elle ne mourra jamais. C'est un problème quand même pour l'individu. On doit simplement laisser tout ce qui doit être libre de façon à ce que les morts s'occupent des morts. Donc, que du monde de la mort descendent ceux qui viennent les chercher. Ou si elle a un débétérique, qu'elle le retrouve simplement, mais ça ne regarde plus ceux qui sont vivants. Daniel, ce double éthérique est-il l'ego ou l'anti-homme fusionné? Comment, s'il vous plaît? Non, l'anti-homme est la partie qui va continuer à engendrer le phénomène satanéen. C'est-à-dire que tout ce que, que plus l'humain évolue, plus les forces du mal évoluent. Pourquoi? Parce que l'évolution de l'homme, c'est le rejet du mal. Plus l'être humain rejette du mal à l'extérieur, plus le mal à l'extérieur devient puissant. L'anti-homme, c'est cela. À un moment donné, ce qui ne peut pas être digérable, fusionnable, transmutable ou alchimisable sera l'anti-homme rejeté. L'humain devra y faire face. Le double éthérique, c'est simplement l'énergie de l'ego qui va finir par perdre en totalité son identification, sa conceptualisation des mémoires, son phénomène de mémorisation du sentiment qu'on appelle l'émotion et aussi la perte du contrôle du système endocrinien pour empêcher le phénomène émotif de continuer à démolir le corps physique. Et cela va engendrer de l'énergie. C'est l'énergie qui va créer le double éthérique. C'est la conscience intelligente de l'homme. L'humain, c'est toujours ce qu'il doit faire, sauf qu'il ne peut pas le faire, et bien souvent, il ne veut pas le savoir. C'est ce qu'il sait qui va créer le double. À qui ou à quoi ça sert d'être? Est-ce la fonction de l'être? Quelle est la mécanicité de la mécanicité? Bon, ce que je peux suggérer à la personne à un moment donné, c'est de faire ou de refaire le séminaire que je donne. Ce n'est pas de la publicité, mais sinon, en une conférence ou même plusieurs conférences, à quoi ça sert d'être? Je peux répondre, mais ça va être extrêmement long. Je pourrais la référer à certaines conférences que j'ai données. Quelle est la fonction de l'être et quelle est la mécanicité de la mécanicité? Ces questions sont toutes hautement intelligentes. Ils ont toutes des réponses, mais ça serait vraiment trop long d'en parler ce soir. Est-ce que les gens... Le genre de vie professionnelle d'un individu est déterminé d'avance. Si oui, à quoi bon faire une démarche pour préciser son choix d'orientation professionnelle? Bien, ça nous permet de penser qu'on a le libre arbitre. Justement, juste ça. Simplement, c'est que pour ouvrir cette porte-là, tu dois te présenter sur le palier. Et pour te présenter sur le palier, eh bien, toi, tu as un ego qui ne comprend pas l'idée, alors on te suggère 25 portes, puis on te stimule, puis tu y vas, puis finalement, tu passes par la bonne. L'individu qui dit, bon, ben moi, je m'assois, puis d'abord, je vais attendre, c'est ça son plan de vie, s'asseoir et attendre toute sa vie. Celui qui se déplace, tout ce qu'il a à faire, c'est de se mettre disponible. Regardez bien ceci. Je le dis souvent, ce n'est jamais compris, ou pas souvent. C'est qu'il n'y a pas de libre-arbitre, soit, il y a une destinée, oui. Il y a, disons, 5 humains qui devront vivre la maladie, 5 humains qui devront être pauvres, et 5 humains qui devront être riches, et 5 humains qui devront être riches et en santé. Qui ce sera? On ne le sait pas, mais ce sera quelqu'un. Alors, celui qui se met dans une attente active, celui qui se met disponible, celui qui ne veut pas absolument aller quelque part, c'est fermé, ben, il s'en fout, eh bien, on va lui donner... le meilleur choix, parce qu'il est plus solide, il va mieux résister à riche et en santé. Il se servira mieux de ces facteurs-là que d'autres. Mais ce n'est pas, on n'a pas une destinée qui nous est propre, on n'a pas plus de libre-arbitre, on n'aura pas le choix d'aller où on veut aller. Par contre, si on décide de laisser mener la vie et qu'on se met disponible, je suis disponible à la santé, je ne fume pas, je ne bois pas, je fais attention à mon alimentation, je peux quand même être malade. Mais celui qui fume, qui boit, puis qui sautent en parachute sans parachute ou qui s'ouvrent le dimanche quand rien s'ouvre le dimanche, bien là, bien vite, ils vont ouvrir. Lui a les possibilités d'être malade. Alors, la personne ici, à quoi ça me sert ceci ou cela, il est bien évident que si un individu doit occuper un poste dans une compagnie, ça sera sans doute parmi ceux qui vont se présenter. Ça ne sera pas parmi ceux qui ne se présentent pas. Alors, on se présente, puis on ne l'a pas. À quoi ça sert? Tu es en attente active. Ton chemin n'est pas déterminé. Mais si tu ne te présentes pas, il ne se passera rien. Tu viens quasiment de répondre à la prochaine question. Bon, alors, tu peux pas la lire quand même. Ah, OK. Si je m'entraîne physiquement, que je mange sainement, en quantité non industrielle, je m'améliore physiquement, mais y a-t-il un moyen de continuer à bénéficier de l'entraînement que je fais, même si j'arrête de m'entraîner? Si oui, oui, quel est-il? Cellulariser son entraînement. Inscrire dans son code génétique le résultat. L'exemple le plus facile qu'on peut donner, c'est l'exemple des chevaux, même l'exemple des chiens ou de n'importe quelle forme de race humain. On a le percheron, qui est un cheval de travail. On a le pinto, qui est un cheval de sel. Les deux viennent au monde ensemble. Les deux mangent la même herbe, la même avoine. Les deux ne font pas plus d'exercice l'un que l'autre. Le percheron est 50 fois plus fort que le pinto. Il n'y a rien à faire, c'est sa génétique. C'est inscrit dans son code, ça va être comme ça. Deux chiens viennent au monde. Il y en a un qui sera grand, puissant. L'autre sera petit, feluette, un chien tapette. Il y a plein de pays sous-développés. Ils n'ont rien fait l'un de plus que l'autre. C'est leur génétique. Alors, l'individu qui fait tout ce qu'il fait là, en étant observateur de sa gestuelle lorsqu'il le fait, donc en étant conscient de ce qu'il fait, cellularise. Il va venir un temps où ils n'auront plus besoin de s'entraîner. Il restera comme cela le restant de ses jours. La pensée, c'est-à-dire non, mais l'esprit, la conscience, l'intelligence, va continuer à l'entretenir. Ça veut dire que l'individu fait des poids et haltères. Pendant ce temps-là, il pense à n'importe quoi. Il devra toujours en faire. L'individu qui sent son bras bouger, qui sent son corps fonctionner, qui est totalement attentif, à un moment donné, ses muscles resteront comme ils sont. Ce sera génétique, donc il sera cellularisé. Celui qui vient au monde et qui ne fait jamais rien et qui devient un gars bâti extrêmement puissant, celui qui vient au monde et qui doit s'entraîner et qui n'arrive pas à la mesure de la moitié de la force de l'autre, question de génétique, on peut muter, on cellularise. Lorsqu'on a un choix à faire qu'on ne fait pas réellement présentement, peut-on demander à l'intelligence supramentale de nous amener dans un chemin plus bénéfique pour nous? Ça va de soi. Si oui, comment? On lui demande simplement, lui disant, peux-tu m'amener dans un chemin plus bénéfique? Quelle que soit la manière qu'on va lui demander, ça ne changera pas ce qu'elle va faire. Mais on peut lui demander. Y a-t-il une technique pour faire un voyage astral conscient? Si oui, quelle est-elle? Bon, il y a une technique qui ne s'explique pas comme ça en 30 secondes. J'ai déjà fait une conférence intitulée « Le voyage astral ». On parle de l'extra-conscientisation astrale. J'ai même déjà donné des cours sur le voyage astral à un moment donné au niveau d'un séminaire. Je ne peux pas expliquer ça comme ça. Et avant tout, il faudrait que je sache si l'individu a réellement une utilité à faire un voyage astral. Qu'arrive-t-il des théories sur le karma? Ben, le karma, c'est extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui arrive? Si on veut savoir qu'est-ce qui arrive avec moi, il ne reste plus grand-chose. Si on veut savoir ce qui arrive avec le reste, ben, on écrit. Karma des vies antérieures, c'est 0.1% de ce qui vous tape dessus. 99% c'est le karma relatif que j'appelle la culpabilité. Il y a un karma différé, il y a un karma relatif, il y a un karma instantané, il y a un karma collectif, il y a un karma individuel. J'ai fait quelques conférences sur le karma. La plus récente, on peut vérifier au niveau de la liste de cassettes. C'est une chose dans le genre. Alors, la théorie du karma, parfois le karma, c'est... Celles qui se font avorter, tue-t-elle quelqu'un ou quelque chose? Pour tuer quelqu'un, tu dois lui ôter la vie. Bon, légalement, c'est comme ça. Par contre, tu peux aussi demander à quelqu'un de tuer. C'est l'autre qui tue, mais tu es aussi un peu coupable. En ce qui concerne l'avortement ou ce genre de choses-là, la personne qui avorte, elle tue, mais elle est de toute façon pas coupable. Elle n'est à peu près pas responsable. Elle peut payer, elle va quand même supporter un peu de karma instantané, un peu de karma relatif qui peut être sa culpabilité. Il peut y avoir un karma différé, problème psychologique plus tard. Bon, pas quelque chose comme ça, mais... Que tu aies un enfant ou non, qui paye plus de karma? Celui qui met un enfant au monde et de l'endurer pendant 18 ans? Ou celui qui fait l'avortement? Chose certaine, c'est que ceux qui se font avorter n'ont présentement pas le choix psychologique de l'empêcher. C'est une farce, c'est une mode. Et puis, c'est le temps, c'est intelligent, c'est génial. Et puis, à un moment donné, ça va recommencer à enfanter et à pulluler. Moi, je suis pour les mouvements pro-vie. Je n'embarque pas dedans. Mais c'est intéressant que ça existe. Pourquoi? Parce que ça va simplement continuer à rappeler dans la mémoire de l'avorteur un jour qu'il doit cesser d'avorter. Quand ça sera le temps qu'il commence à cesser d'avorter, ce qui va arriver aussi à un moment donné. Alors, tout est parfait. Est-il exact d'affirmer que Jésus le Nazaréen est mort au Cachemire à l'âge de 106 ans? C'est inexact de l'affirmer. Par contre, il y a un corps physique semblable à lui, qui, à un moment donné, a été revivifié par une expérience faite par des personnages esséniens qui ont vécu près du Nazaréen. Et cela a engendré un personnage qui est mort, effectivement. On a même trouvé un tombeau. Alors, il est passé près de différentes villes, et puis finalement, en tout cas, on pourrait en parler un petit peu, mais ce n'est pas Jésus le Nazaréen. Le Nazaréen lui-même, Jésus est mort sur la croix. Le Nazaréen ainsi que le Christ ne sont jamais morts. Ils ont venu rechercher le corps physique en les terrifiant. Par la suite, ils l'ont réabandonné. Lorsque le Nazaréen est redevenu phénomène michaélien et qu'il a quitté le contexte planétaire, en résorbant son faisceau, et les Esséniens ont voulu préserver, donc ils ont vivifié ce corps physique et ils l'ont entretenu dans une essence qui n'était pas christique, mais qui permettait quand même d'avoir une mémoire, même que l'âme de Jésus, donc de l'enfant mort sur la croix, n'était plus là. Et ça l'a engendré une mécanicité qui n'a finalement jamais servi. Et effectivement, ça a été exporté à l'extérieur. Et c'est passé dans le coin de Bénarès à un moment donné. C'est le voyage dans ces coins-là. Et puis, c'est mort. Voilà. Même que Marie, à un moment donné, a suivi aussi son tombeau. Et n'est pas non plus un juif. J'ai écouté la conférence et je me demande toujours quelle est la part de choix il y a dans une vie. Qu'est-ce qu'un maître contrôleur? Comment le devient-on? Maître contrôleur, en ce qui me concerne, fait référence au phénomène PMC, programme maître contrôleur, c'est-à-dire que c'est la faculté qu'aurait le mental de l'homme, supportée par la conscience supramentale, de prendre le contrôle du système endocrinien, de façon à éliminer totalement l'assujettissement que le corps physique à l'âme, ce qui maintenant permet de ne plus être malade du point de vue psychosomatique et de ne plus vieillir non plus. J'ai écouté la conférence et je me demande toujours quelle est la part de choix qu'il y a dans ma vie. C'est extrêmement simple. L'instruction de l'ego détermine la chose. Vous venez ici ce soir. Que vous ayez n'importe où, c'est la même chose. Je prends l'exemple d'ici ce soir parce que ça me concerne. Je parle de moi et de vous. Mais ceux qui vont voir Pierre Laporte, ceux qui vont voir d'autres personnes, c'est la même chose. Vous venez ici ce soir et nécessairement, vous entendez des choses. Cela est mémorisé chez vous. Ceux qui ne se rappellent de rien, sous hypnose, on peut le retrouver. C'est là. Deuxièmement, il y en a qui vont être un peu ivres ou il y en a même qui vont dormir. Énergétiquement, il y aura une protection parce que de temps en temps, je vais un peu trop haut énergétiquement. Et ça nourrit. Bon, l'individu a de toute façon de nouvelles informations. Qu'il les comprenne ou pas, c'est dans son ego. En partant, sa vie change de cap. Alors que vous alliez n'importe où, continuellement, votre vie, elle est à restructurer complètement. Une personne, à un moment donné, va avoir un gros choc et changer plus radicalement, mais on s'en va en changeant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en ce qui concerne le choix, si vous avez le choix... Si vous avez été manipulé à venir ici ce soir, et moi aussi à y être, nécessairement, il y a de l'instruction qui vient maintenant instruire l'ego. L'intelligence procède de cette façon parce que vous avez une psychologie adéquate à cela. D'autres personnes vont évoluer aussi vite que vous en allant chez les Krishna. Ben, ils ont une psychologie adaptée à l'information qu'ils auront là, simplement. Et il arrive quoi? Il arrive simplement qu'on prépare votre ego par de l'information à être capable un jour de supporter un savoir neuf, une compréhension neuve, qui va être supportée par de l'ego, qui ne voudra pas se suicider, qui ne voudra pas colorer puis dire non. Simplement ce qui arrive. Alors, que vous ayez le choix ou pas, chose certaine, plus on se rapproche d'une condition neuve, c'est-à-dire plus on se rapproche d'informations qui ne sont pas le recensement traditionnel des vieilles traditions, et plus on est capable de supporter le neuf, nécessairement, plus on est proche de son intelligence et de la conscience supramentale. Plus on est assujetti à devoir faire référence à la tradition, donc aux vieux, plus on est collectif, plus on a besoin de l'autorité du passé pour accréditer. Donc, nécessairement, on vit une phase de l'égoïque qui fait partie des contingences spirituelles, mais qui ne font pas encore partie des contingences intelligentes ou supramentales. Maintenant, chaque individu vit ce qu'il a à vivre du point de vue de sa conscience. Il n'y a pas péjorativement de personnes plus évoluées que d'autres. Il y a énergétiquement des gens plus réchauffés, plus évolués, mais ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas de mérite non plus. Et c'est comme cela. Il est bien évident que plus on veut se rapprocher de choses neuves, lire des livres qui parlent de choses neuves, ou écouter des conférenciers ou des émissions ou n'importe quoi, qui amène du neuf qui peut faire mal à l'ego, on brise l'ego, donc on crée le double éthérique, plus cela permet à l'individu de développer sa conscience et cela lui permet d'arriver à une libération des contingences, l'involution, du phénomène de la mort, ou etc., plus rapidement. On parle de l'âme, mais que fait l'esprit dans tout ça? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit. Par la suite, traduit d'une façon un peu croche, tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu de toute ton âme, de tout ton corps, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et finalement, eh bien, on descend le mot esprit, c'est l'âme qui fait cela, au phénomène que tu as beaucoup d'esprit, t'es comique. J'ai vu un esprit, un fantôme. Dans mon esprit, c'est la pensée. Et on parle de spiritualité esprit en définissant les cheminements évolutifs de l'âme. L'esprit, c'est l'intelligence supramentale. L'esprit, c'est ce qui peut me faire parler. L'esprit, c'est ce qui vous fait comprendre. L'esprit, c'est ce qui vous fait savoir. L'esprit, c'est ce qui un jour vous fera parler, vous fera agir. L'esprit, c'est ce qui doit posséder le corps physique. Et au fur et à mesure que l'esprit ou l'intelligence supramentale, qui est le premier palier le plus proche du plomb du monde planétaire de l'esprit, une première partie des cieux et non pas du ciel, l'esprit, le phénomène supramental, par l'ajusteur de pensée, va engendrer la création d'un double éthérique qui va libérer l'homme du monde de la mort. Tout le monde a un contact espritique, espiritualité, sauf que la spiritualité de l'âme fait en sorte que l'âme se prend pour l'esprit, et ce qui engendre un paquet de colorations à l'échelle de notre planète. L'esprit, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça? Il fait ce qu'il a à faire. Il n'est pas pressé, lui. Il a toute l'éternité devant lui. C'est pas quelques millions, milliards d'années qui dérangent. Par contre, pour l'être humain, oui, ça fait une nuance entre des tonnes de souffrances ou pas. Alors, l'esprit, c'est ce qui travaille. L'âme, c'est ce qui croit travailler. L'esprit, c'est ce qui parle. L'âme, c'est ce qui colore et c'est ce qui croit parler. On pourra profiter de la prochaine question pour inviter la personne qui l'a posée à venir à la conférence la semaine prochaine. C'est fait. Qui est, de quelle manière pouvons-nous faire éclater l'âme pour faire un corps éthérique durant cette vie ou en 5 minutes? Je pense que c'est le sujet de la conférence. Ben, c'est ça, c'est plutôt le sujet de la conférence la semaine prochaine, alors je ne répondrai pas là, ça sera plus long. Si nous revenons sur Terre, comment expliquer que la population d'êtres humains augmente? Comment sont créés les êtres? Plus il y a d'humains qui font d'enfants, plus il y a d'enfants qui sont des humains. Ça, c'est déjà l'explication pourquoi il y a plus de corps physiques sur le plan planétaire. Plus l'être humain, à travers le temps, engendre des mémoires expérientielles, plus il y a de mémoires qui peuvent venir animer, anima, âme, des corps physiques. Donc, dans l'Antiquité, on ne pouvait pas avoir énormément d'humains parce qu'il n'y avait pas encore suffisamment de temps d'expérience. Mais l'évolution étant exponentielle, plus il y a d'humains, plus il y a d'expérience, plus il y a de mémoire, plus il y a de possibilités de retour amique. Plus il y a d'humains, plus il y a de possibilités de création de corps, donc plus il y a de retour amique. Mais dans les pays les plus évolués, du point de vue réchauffant, je ne parle pas d'évoluer du point de vue spirituel, du point de vue de l'intelligence, qu'ils le sachent ou non, à un moment donné, il n'y aura plus assez de corps. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus, assez d'âme. L'âme va se réincarner d'une façon tellement grandiose dans un corps physique que finalement, dans l'égrégore d'un endroit, d'un pays, d'une région, d'une localité, il n'y aura plus suffisamment de phénomènes astrales pour animer des corps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? On ne peut pas mettre des corps au monde qui n'ont pas d'âme ou qui n'ont pas d'âme en affinité avec la puissance du corps physique. Alors, on instruit les individus de ne plus faire d'enfants. Et ceux qui en font pareil, eh bien, on les instruit d'avorter les enfants. Et c'est pourquoi au Québec, les jeunes qui adorent les enfants n'en veulent pas tout de suite. Ils veulent vivre leur vie avant. Ils veulent attendre et créer des corps plus puissants. C'est-à-dire que dans leur vie, ils vont cellulariser des choses. Ils vont avoir donc des enfants plus évolués biologiquement. Et il y a d'autres pays qui vont vivre le même phénomène, qui fait en sorte que là, il y a moins de corps, parce que les corps sont tellement plus puissants qu'ils réincarnent plus de mémoire, donc il en reste un peu moins, qui sont en affinité avec la condition des corps de la place. On s'en répond. Lors d'une réincarnation instantanée dans un autre corps, y a-t-il des raisons ou états d'esprit particuliers qui font qu'il n'y a pas d'attente dans le monde de la mort? Si l'individu qui meurt, par exemple, et qui a un double éthérique suffisamment puissant et qu'il est suffisamment puissant pour décider ou pour avoir la possibilité de venir prendre corps physique immédiatement, alors il peut venir posséder n'importe qui. Le possédant, il le prend. Il peut venir posséder un adulte pendant 2 ans. Et après, il le quitte. Et il possédera une autre personne pendant 5 ans, il le quitte. Il peut posséder un enfant, évoluer avec et en faire un adulte. Il peut le quitter aussi. Alors, ça arrive quoi? Ça fait simplement qu'une personne qui était normale, à un moment donné, on dirait qu'elle a été décliquée, qu'elle met la pédale sur le gaz, et elle, finalement, elle se lance soit télévangéliste, soit qu'elle se lance en affaires et qu'elle marche, se lance en politique et ça fonctionne. Et quand ce qui l'habitait se retire, eh bien, l'individu reste quand même avec la mémoire expérientielle de ça. Donc, elle peut continuer à fonctionner et elle a comme récompense ce que l'être qui l'a possédé lui a donné, soit la richesse ou soit la popularité ou ce genre de choses. C'est quand même assez rare que ça peut arriver. Daniel, le ménage fait par tes cassettes Peut-il influencer A, mon enclume, B, les invités? Comment, de quelle façon? Et s'il est préférable de ne pas le faire dans le lieu qu'on habite? Ça dépend de la personne, elle n'a qu'à vérifier, à jauger. Ce n'est pas moi qui peux répondre. Est-ce qu'on continue? Très vite, oui, c'est des questions. Donc, Tu dis que sécréter fait vieillir le corps. Alors, pourquoi tous les exercices que tu nous fais pratiquer ont pour but de nous faire sécréter? Pour la simple raison que l'individu le pratique en ayant une observation de conscience, ce qui fait en sorte, ce qui crée une cellularisation et ce qui lentement va obliger le mental à prendre le contrôle pour empêcher la sécrétion. Au sujet de la peur...